censeur. Elle paraît une lourde tâche, certains musiciens s'y détachent. La chanson-là de représenter la configuration des sujets entiers. Sans elle, il n'y a pas de mélodie, mais le de tristesse comme celle de joie. Version originale. Escucha, hombre, golar. Oye la canción. La musique est une science pour nos praticiens de connaissance. Elle paraît une lourde tâche, certains musiciens s'y détachent. La chanson-là de représenter la configuration des sujets entiers. Sans elle, il n'y a pas de mélodie, mais le de tristesse comme celle de joie. Pour la frère, il faut l'aimer. La musique, la vie n'est rien, la musique c'est la consolation. Sans musique, la vie n'est rien, la musique c'est la consolation. Sans musique, la vie n'est rien, la musique c'est tout un univers. Sans musique, la vie n'est rien, la musique c'est la consolation. Avant qu'un homme d'État ne parle au peuple, il faut d'abord musique. Sans musique, la vie n'est rien, la musique c'est la consolation. Même le pape l'utilise pour s'adresser à Dieu. Dans la prière, on enchaîne un chant pour l'harmonie. Sans musique, la vie n'est rien, la musique c'est la consolation. Viva, viva mi música, el trabajo de nosotros. Sans musique, la vie n'est rien, la musique c'est la consolation. Mira, mira, la canción, viva la música. Sans musique, la vie n'est rien, la musique c'est la consolation. Oh, Dan, Jerry, go, Lukoya, Nachi, go, Ici. viva la musique, c'est mon métier. La vie n'est rien, la musique c'est la consolation. Viva, viva la musique, c'est mon métier. La vie n'est rien, la musique c'est la consolation. Même le pape l'utilise pour s'adresser à Dieu. Sans musique, la vie n'est rien, la musique c'est la consolation. La musique c'est mon métier, c'est tout un univers. Sans musique, la vie n'est rien, la musique c'est la consolation. Elle est aussi difficile que toutes les sciences du monde. Sans musique, la vie n'est rien, la musique c'est la consolation. La la la la la la la la la, maman gaina oué. Sans musique, la vie n'est rien, la musique c'est la consolation. La la la la la la la la la, chérie bibi. Sans musique, la vie n'est rien, la musique c'est la consolation. Il n'y a pas de son métier, il n'y a que des sons de gens. Sans musique, la vie n'est rien.